Les rassemblements de masse des provinces du Pohang du Sud, du Fang du Sud, du Zagang et du Hamgyong du Sud pour appliquer parfaitement la décision du 7e congrès du Parti Travail de Corée et sortir vainqueur dans la campagne de 200 jours ont eu lieu respectivement les 2 et 3 juin. Y ont pris part les 4, les travailleurs, ainsi que les jeunes et étudiants des organismes du parti, du pouvoir, des établissements économiques, des organisations des travailleurs, des usines, entreprises, fermes, des grandes écoles de chaque province. À la suite des rapports, ont pris la parole les ouvriers, paysans, jeunes et intellectuels. Les orateurs ont invité tous à suivre la voie indiquée par l'historique 7e congrès du parti pour créer sans cesse les nouveaux records et vitesses dans l'œuvre de la campagne de 200 jours. Ils ont appelé les cadres, membres du parti et autres travailleurs à maintenir la primauté de la capacité de se renforcer soi-même comme le moyen invincible de toute œuvre et à s'efforcer pour renforcer parfaitement l'indépendance et l'originalité de l'économie nationale et réaliser la stratégie quinquennale du développement de l'économie d'État. Au terme des rassemblements, il y a eu les manifestations.